Vous voulez tout. Pas de tout. Pas de rien. Quand on se crie à ce qu'on fait, je me fais que je sentais un petit bien. Je pense que ça va aller vite. Je me sentais bien avec ça. Là, c'est comme si je savais. Quand je disais que je me fiais à moi, là, je disais que je me fiais à mon intuition. Quand je parlais à l'interférence, je n'ai pas tout ce que je dis, mais c'est comme si je ne savais pas comment. Bon, je vais vous l'expliquer. Vous pouvez, même si vous fiez à votre intuition, ça ne peut pas toujours fonctionner. Parce que la vibration en vous, elle s'ajuste constamment, elle s'ajuste, elle s'ajuste, elle s'ajuste. Fait que si ça va bien pour une semaine, assurez-vous que la semaine prochaine, ça va aller mal. Ça, c'est automatique, ça ne peut pas être autrement. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la conscience et être heureux, c'est impossible. Vous pouvez être inconscient et avoir des hauts et des bas. Mais quand tu rentres dans la conscience, tu ne peux pas être heureux. Mais tu te conscientises de ça que tu as une période, ça va bien. Et après ça, ça va mal. Pourquoi? Parce que vos corps s'ajustent à la vibration. Puis un jour, que vous ne connaissez pas, mais un jour, quand la vibration est ajustée, mais là, tu es toujours bien dans ta peau, mais tu n'es jamais heureux, tu es toujours bien dans ta peau. Fait, même si vous fiez à votre intuition, ça ne peut pas toujours bien aller. Parce que votre intuition, c'est le rapport psychologique entre vous-même au niveau de l'ego, puis vous-même au niveau cosmique. Ce rapport psychologique-là, il est constamment débalancé, débalancé, débalancé, débalancé pour tuer le vous-même au niveau psychologique, pour que vous en arriviez éventuellement à fonctionner totalement dans le vous-même qui est cosmique, dans lequel il n'y a pas de dessus puis il n'y a pas de moi. Fait que tant qu'il y a du dessus puis il y a du moi, il y a de la valeur psychologique à votre expérience, il y a de la valeur psychologique à votre intérêt personnel, il y a de la valeur psychologique à vous-même, il y a de la valeur psychologique pour vous-même. Mais il faut que vous en arriviez à vivre simplement de vous-même. Là-dedans, il n'y a pas de valeur psychologique. C'est l'expression constante de votre énergie sur un plan matériel ou sur un plan invisible. Putain. Fait que vous appreniez à vivre votre intuition, c'est bon. C'est essentiel. Il est temps que les gens commencent à fonctionner comme vous appelez intérieurement. Mais imaginez pas que ça va tout fonctionner. Comme elle, là, ça va bien sa vie, la petite bleue, là, les petits yeux, les yeux, il faut que ça soit de vieux galère, en tout cas. Et ça va marcher. Ça marche. Ça marche pour lui donner un repos émotionnel. Dans 17 mois, là, ça va commencer à chambarder encore. Parce que dans 17 mois, elle va être là suffisamment renforcée pour commencer à vivre encore de cette énergie. Là, elle ride dessus. Elle ne vit pas de l'énergie, là. Elle ride dessus. Ça marche. Elle est bien dans sa poule. Après ça, l'énergie va changer encore, puis ses corps vont changer, puis c'est le même mal. Mais elle va être suffisamment sûre d'elle-même que l'énergie va pouvoir l'absorber, puis pas en souffrir. Outre mesure. Quand tu arrives à l'étape où tu commences à être tanné de penser, de ta pensée, que ce soit bonne ou mauvaise. C'est-tu la pensée qui finalement t'empêche d'utiliser la vibration comme ça? Non. C'est la pensée non. Quand tu arrives à l'étape d'être écœuré de ta pensée, c'est parce qu'il se fait un travail intense dans ton mental, puis tu es dans la voie vers la diminution de l'excès de l'énergie de la pensée dans ton mental. Puis éventuellement, tu en arrives à. Il y a moins de pensée, puis éventuellement, tu en arrives à. Tu penses même ce que tu veux. Puis tu coupes ce que tu veux pas. Tu deviens. Tu es capable de faire un choix dans tes pensées. Quoi? Wow. Quelle différence qu'il y a entre l'intuition? Ouais, finir un petit peu sur ça, là. Tu deviens tanné du. Pas de ta pensée comme telle, c'est ça. Tu deviens tanné du mouvement continu. Du mouvement. Parce que quand tu arrives à une situation ou quelque chose. Une poussée vers quelque chose, là, finalement, c'est en tout cas moi ce que je dis, c'est que la manière que tu commences à penser, puis c'est ça, d'après moi, qui te dépend. Ouais. Ouais. Et on coupe la pensée, non. Si tu coupes la pensée, c'est parce que tu peux le faire. C'est ça. Sans ça, ils peuvent accélérer la pensée à un point où tu ne peux pas couper comment tu arriverais. Fait que c'est là que tu fais un travail, puis tu fais un travail. Puis ça, c'est pour te forcer au niveau de ton ego à te mettre au-dessus de la pensée. totalement au-dessus, pas t'en occuper. C'est là que tu fais de l'art. Moi, je pense pas. Okay? Mais des fois, là, quand je sais pas, il m'a... souvent, je t'apprends à partir, quand je tente des sous, il faut que je coupe quelque chose, tu peux laisser à la maison. Là, c'est le corps de niaiser. Mais tu deviens tellement conscient, tu sais, tu laisses faire mieux. Puis quand tu niaises trop, là, il va aller dans le niaiser, là, il niaise. Mais ça fait rien.